Qui dit nostalgie dit flashback. Parfois on en garde des bons souvenirs ou pas. On traverse tous des hauts des bas, la vie c'est une montagne russe. Je l'écrivais déjà sur le mur de l'arrêt de bus. Avec le temps j'ai vite compris que tu ne choisis pas quand un proche part. Tout ce qui nous reste sont des regrets et des grosses larmes. La vérité le plus dur c'est de faire son deuil. Quand il se passe un truc de fou, tout le monde ferme sa gueule. Parce qu'on ne sait plus quoi dire dans ces moments là. On laisse parler les souvenirs, qu'ils soient bons ou pas. On s'attache à si peu de choses en vrai. On est vite déboussolé quand on les perd. Mais y'a un sacré paradoxe en secret. À nous écouter, on voudrait tout et son contraire. On se contrarie avec rien, on se réjouit avec tout. On est juste des comptes terriens qui ne connaissent pas leur mec tout. Mais qui avancent malgré tout. C'est aujourd'hui qu'il faut se construire de bons souvenirs. On appelait ça des drames, aujourd'hui on en rit. Le temps a effacé les larmes maintenant que les yeux sont vides. On prend un autre départ et on relativise. Même si ça doit faire mal, on gardera que les bons souvenirs. On appelait ça des drames, aujourd'hui on en rit. Le temps a effacé les larmes maintenant que les yeux sont vides. On prend un autre départ et on relativise. Même si ça doit faire mal, on gardera que les bons souvenirs. Les temps ont changé, ouais. On a grandi nostalgique de l'époque où on se prenait pour des bandits par repenti. Non, mais c'est tout comme si je me fais enfermer. Qu'est-ce que je vais dire à mes gosses? Faut y penser et changer de point de vue. Rester zen et se dire qu'on n'a pas tout perdu. Les bons souvenirs n'ont pas de prix. Je voudrais laisser une trace indélébile avant de partir. Mais avant tout, ça passe par de bons sentiments. Les mêmes avec lesquels nous ont éduqués nos parents. Le respect d'autrui, sauf si c'est pas réciproque. Faut aller de l'avant, bien qu'elle me manque cette époque. Et depuis j'épargne chaque perception d'amertume. Montrer à tous mes proches que j'ai pris de l'envergure. J'ai grandi sans thune, mais plein d'amour. Je ne regretterai rien jusqu'à ma mort. On appelait ça des drames, aujourd'hui on en rit. Le temps a effacé les larmes maintenant que les yeux sont vides. On prend un autre départ et on relativise. Même si ça doit faire mal, on gardera que les bons souvenirs. On appelait ça des drames, aujourd'hui on en rit. Le temps a effacé les larmes maintenant que les yeux sont vides. On prend un autre départ et on relativise. Même si ça doit faire mal, on gardera que les bons souvenirs. On appelait ça des drames. Et on relativise, même si ça doit faire mal, on gardera que les bons souvenirs.